Pédale Scandale à Saint-Étienne tous les mois sur Radio Dio 89.5 et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Et rebonsoir, cette fois il est bien 20h30, nous sommes le lundi 11 décembre et vous êtes en direct sur Radio Dio 895 à Saint-Étienne dans l'émission Pédale Scandale. Vous nous retrouvez tous les deuxièmes lundis du mois à 20h30 sur la FM et en streaming sur radiodio.org pour toutes les pédales et les autres qui n'habitent pas à Saint-Étienne. En 2022, 39 millions de personnes vivent avec le sida dans le monde. 1,3 million de nouvelles personnes ont été infectées par le VIH. 600 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida. Deux tiers des personnes infectées par le VIH vivent en Afrique subsaharienne. Plus de 40 millions de personnes sont mortes du sida et plus de 85 millions de personnes infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. En France, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité en 2022 a été estimé entre 4 200 et 5 700 personnes. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2022, 54% sont des hétérosexuels, 38% sont nés à l'étranger et 16% nés en France, 41% sont des ASHS, des hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes, 27% sont nés en France et 14% sont nés à l'étranger. 2% des personnes trans contaminées par rapport sexuel et 1% des usagers de drogues injectables, les UDI. En 2022, 43% des infections à VIH ont été découvertes à un stade tardif de l'infection, 28% au stade avancé de l'infection. Proportion qui ne diminue pas depuis plusieurs années, malgré la forte augmentation du nombre de dépistages. Sur l'ensemble de la période 2012-2022, la diminution du nombre de découvertes de séropositivité est estimé entre moins 11% et moins 21%. Cette diminution est encore plus importante chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes nés en France et peut être expliquée par le recours à la prophylaxie pré-exposition, PrEP, pour une part de cette population. Au niveau régional, l'épidémie du VIH reste marquée par une situation particulière dans les régions d'outre-mer, notamment en Guyane, d'où l'importance d'y maintenir une activité de dépistage élevée. Tous ces chiffres de l'ONU SIDA 2022 et de Santé publique France sont comme une piqûre d'excès, de rappel. La contamination par le VIH continue notamment dans les pays ayant le moins d'accès aux soins et à la prévention, et le SIDA continue à décimer dans et en dehors de nos communautés dans différentes parties du monde. En France, ce sont également les populations les plus précarisées, migrants, migrantes, TDS, etc. Toutes les personnes qui ont le moins accès à la prévention et au dépistage qui continuent à être contaminées par le VIH, malgré le taf des assos et de santé communautaire et de prévention en santé sexuelle. Si pour nous, en tant que PD nés en France, le sida nous terrorise moins, aujourd'hui, c'est bien parce que nos communautés se sont battues avant nous pour ne plus disparaître dans le silence en plaçant la santé communautaire au cœur de nos luttes. Alors ce soir, on voulait profiter de la proximité du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida, pour parler de santé sexuelle et de santé communautaire. On a envie de discuter de quels sont nos enjeux aujourd'hui en tant que PD, quelles sont nos stratégies en termes de réduction des risques, doit-on encore faire face à la stigmatisation en tant que PD, en termes de santé sexuelle, etc. Pour évoquer toutes ces questions, nous avions invité notre camarade Fabien qui bosse à l'ENIPS, mais qui a dû annuler à cause d'un problème personnel. On l'embrasse et on lui envoie plein de courage. Gros bisous. On a aussi, comme d'habitude, demandé des contributions à des camarades autour de nous, notamment à des potes qui bossent dans la santé communautaire. Et aussi, puisque nous sommes les propres experts et expertes de nos vies et de nos sexualités, eh bien, on a surtout envie de discuter entre nous de quels sont tous ces enjeux aujourd'hui pour nous et autour de nous. Et avant de commencer, on voulait souhaiter aussi la bienvenue à la nouvelle pédale qui vient de rejoindre le groupe de Pédale Scandale. Et oui, l'équipe ne cesse de s'agrandir. Bonne écoute. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre eux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Alors, est-ce que aujourd'hui, en tant que PD, le sida est encore un enjeu pour moi? Alors oui, car déjà je travaille dessus. Je fais ma thèse de sociaux financée par SIDAction. Et du coup, je travaille sur ces enjeux parce que je milite sur ces enjeux aussi. Où j'ai passé 3 ans à ACT UP Paris, qui était une de mes premières, de mes premiers engagements militants. Où là, vraiment, j'y allais en tant que PD. Et ensuite, enfin, et du coup, depuis quelque temps maintenant, je milite à Accept ST, donc du coup, dans la santé communautaire trans. Mais aussi parce que quand j'avais, je sais pas, 12, 13 ans, je me rappelle, donc au moment de la puberté où mon corps change, mon corps sexuel change, mon corps devient sexuel, et que ça m'inquiétait beaucoup ces changements-là. Je me suis dit, oh, mon Dieu, j'ai des pensées dans ma tête ou des désirs dans ma tête homosexuels, et mon corps change et il devient bizarre, et ça se trouve j'ai le sida. Et je me rappelle avoir demandé à ma mère, ah mais est-ce que c'est possible d'avoir le sida si on n'est pas, enfin, on n'a pas eu de relation sexuelle. Et ça, j'avais, je sais pas, 12, 13 ans, j'avais jamais eu de relation sexuelle. C'était encore très loin dans ma tête, tout ça. Mais la question de la peur d'avoir le sida juste parce qu'on avait des désirs homosexuels, moi, je me la suis posée. Et sachant que c'était autour de 2012-2013. Donc, on n'était pas non plus dans les années sida, les années 90, mais quand même, ce trauma collectif du VIH et du sida, reste présent, alors que j'y connaissais absolument rien. À cette histoire-là, à cette époque, quoi. Donc oui, le sida est toujours important. Je pense que c'est quelque chose que je, avec lequel j'ai grandi, que je ne peux pas occulter, qui me semble important encore aujourd'hui, toujours. Même si la science a fait des progrès, je pense que c'est quand même important de se protéger, de faire attention. Et le fait de prendre la PrEP et justement de ne pas abandonner toute autre forme, enfin toute forme de protection, en soi est une preuve que ça reste quelque chose d'important à mes yeux. Le sida, c'est quand même un truc que j'ai en tête. J'y pense un peu comme un héritage culturel terrible. Genre, en disant Lou Sullivan, je me sens bien motivé pour prendre la PrEP et aussi hyper privilégié d'y avoir accès. Oui, totalement, dans ma vie sexuelle et militante. Dans ma vie sexuelle pour me préserver moi et mes partenaires, dans ma vie militante car l'épidémie n'est malheureusement pas finie, le souvenir ne doit pas être mis de côté, nous disparu aussi, et surtout les nouvelles générations, mais aussi les moins jeunes doivent toujours être sensibilisés et informés. Sur Radio Duo 895 FM à Saint-Etienne dans l'émission Pédale Scandale. Et du coup, on vient d'écouter des petits témoignages qui nous parlaient de sida. Est-il encore un enjeu aujourd'hui en tant que PD en France, en tout cas, enfin, pour des personnes qui vivent en France? Et alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est encore un enjeu aujourd'hui? Oui, dans ma sexualité, c'est encore un enjeu. En fait, c'est parce que je me protège. Je crois qu'il y a un problème de micro, on ne t'entend pas. Non. Changement de micro. Changement de micro, ouais. Oui, alors, sinon on parle, vas-y. Non, mais bien sûr que c'est un enjeu. Enfin, déjà, moi, je suis né dans les années 70. Et du coup, finalement, j'ai eu vent de cette épidémie. au milieu des années 80, avant même d'avoir accès à la sexualité. Donc forcément, ça m'a marqué. Moi, ce que je trouve assez impressionnant dans les témoignages, c'est que c'est encore un enjeu et une peur un peu irrationnelle, aussi par manque d'informations, jusque dans les années 2010, puisque le premier camarade qui prend la parole nous fait part de son expérience à lui. Ben moi, je te rejoins aussi. Moi, j'ai vécu les années 90. J'ai découvert ma sexualité à la fin des années 90. Donc, je trouve que et c'est encore important pour moi le sida, en fait, parce que déjà, ça a marqué ma sexualité, ma façon d'envisager ma sexualité, de comment me protéger. Et puis, je me suis rendu compte que si moi, je me protège, je protège aussi mes partenaires et du coup, quelque part, un petit peu toute la communauté, tu vois. Et je trouve que du coup, c'est toujours un enjeu de santé communautaire qui est très important. Et aussi, faire de mon travail, moi, je travaille dans un lieu où il y a des rapports sexuels régulièrement. Et du coup, je trouve que c'est important. Enfin, c'est aussi un enjeu de ce côté-là, en fait, quoi. De pouvoir transmettre et de faire un peu de prévention aussi auprès de mes clients. Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait hyper peur. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui a marqué un peu notamment mon coming out. Je sais que mon père, je crois que c'était une de ses plus grandes angoisses quand je lui ai parlé de ça, que j'ai annoncé que j'étais homo. C'était pas un gros souci et ça a été plutôt bien accepté, mais quand même il avait peur pour moi de ça et je pense que ça m'a vachement marqué, que ça a vachement pesé dans ma vie et dans ma vie sexuelle. Alors on est quand même à majorité de 40 dans les studios ce soir. Enfin, en tout cas, ouais. Parce que moi aussi, j'ai grandi dans les années 80, et du coup, ben, évidemment, avec la présence forte du sida et des gens qui commençaient à mourir autour de moi, et dans les médias, mais aussi dans des personnes proches de ma famille, du coup, j'ai grandi avec cette peur et avec tout de suite ce truc de la pression de préservatif obligatoire tout le temps dans n'importe quel rapport sexuel. Et ça m'a suivi très très longtemps. Et c'est encore pour moi, je pense, assez présent comme peur, notamment dans mon travail, parce que moi je fais du travail du sexe et j'ai beau prendre la PrEP, j'utilise encore quand même beaucoup de préservatifs, parce que je fais du sexe avec des personnes que je ne connais pas. Et du coup, cette peur, elle est encore fort présente, quoi. Voilà. Moi, je me permets d'intervenir, même si je suis à la technique ce soir. intervenez. Moi, de mon côté, par exemple, qui suis pas quarantenaire, mais plutôt, je suis né en 97, du coup, quand j'ai commencé ma sexualité, en plus qui a été un petit peu tardive, et en plus hétéro, le gros de l'épidémie était quand même déjà vraiment derrière, et puis il y avait pas mal de manières de se protéger. J'ai quand même grandi avec ce truc de « il faut la capote d'office », mais aussi parce que dans des rapports hétéros, et du coup... avec aussi le risque de grossesse et tout. Mais du coup, j'ai pas grandi avec cette peur du VIH. On a essayé de nous la transmettre un petit peu dans le peu de cours d'éducation sexuelle, mais avec le truc de bon, à partir du moment où on utilise une capote, a priori, c'est bon. Et en fait, là où ça a commencé à devenir vraiment plus concret dans ma vie, c'est post-transition et quand j'ai aussi commencé le travail du sexe, où là. Je me suis rendu compte que j'y connaissais rien dans tout ce qui était IST. Et du coup, pour moi, le VIH était juste une IST parmi toutes les autres et que c'était une peur générale des IST et pas spécifiquement du VIH. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis renseigné, que j'ai commencé à prendre la PrEP. Et même malgré la PrEP, je continuais, dans le travail en tout cas, d'utiliser des préservatifs. Et en fait, je prenais la PrEP vraiment... en prévention de potentielles agressions si les clients enlevaient le préservatif sans mon consentement ou quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre la PrEP, qui est un traitement préventif dont on va parler plus tard. Mais voilà, du coup, ça arrivait un petit peu tard et comme tout bon hétéro avant transition, j'y connaissais vraiment rien et que je pense que c'est une des problématiques actuelles, c'est que en tout cas, dans certains espaces communautaires, c'est quelque chose qui est très présent, dont on discute et dont on se transmet des infos. Et qu'en fait, quand on n'est pas dans ces espaces communautaires-là, moi, j'ai mis énormément de temps à trouver vraiment des informations, même après transition, quand j'étais pas encore dans les espaces communautaires. Ouais, moi je veux bien rajouter un truc parce que j'ai parlé de peur, mais je pense aussi quand même, c'est aussi pour moi un exemple de lutte, toute la lutte autour du sida et de lutte communautaire. Et du coup, ouais, c'est à la fois cette peur, mais aussi un exemple de lutte. On écoute un petit morceau de musique. On va écouter Ideus de Oliver Sim. I'm ugly. I'm up and down right now. I'm down and bloody. But I don't feel as though I've been unlucky. I have people in my life that really love me. Caught my reflection in your eye. Now you've seen me from both sides. Am I hideous? My tears naturally dry on exposure. C'était Oliver Sim avec le morceau Ideus sur Radio Dio 895 dans l'émission Pédale Scandale. Et pour continuer sur les enjeux actuels en termes de VIH en France, en tout cas, on avait envie de vous lire l'appel à la marche du 1er décembre écrit par ACT UP Et notamment, on se joint fort à l'ensemble de leurs revendications dans le contexte actuel de loi Darmanin sur l'immigration, France Travail et compagnie. Ça nous paraissait important de lire cet appel qu'on trouve très approprié dans le contexte politique actuel. Ces repos précaires, la France nous préfère morts, mortes. Texte d'appel de la marche du 1er décembre 2023, journée internationale de lutte contre le VIH-SIDA. Le virus du sida a été identifié en 1983, il y a tout juste 40 ans. Il tuait depuis 1981 sous le nom de cancer gay. Personne ne présageait que cette pandémie allait faire 40 millions de morts, mortes. Depuis, il décime LGBTQI+, toxicos, usagers, usagères de drogue, femmes, travailleurs, travailleuses du sexe, hémophiles, étrangers, étrangères, migrants, migrantes, exilés, hétérosexuels, prisonniers, prisonnières, enfants, familles et parents. Dès 1983, lors du deuxième forum mondial sur le sida à Denver, dans le Colorado, une coalition de personnes vivant avec le VIH, PV-VIH, s'organise et élabore un texte fondateur, les principes de Denver. C'est ici que le « Nothing for us without us », « Rien pour nous sans nous », pensé par et pour des personnes séropositives, trouve ses origines. En 1988, ACT UP New York et des activistes gays manifestent devant la Food and Drug Administration, FDA, au cri de « We die, they do nothing », « Nous mourons, ils ne font rien », pour exiger l'accès au traitement. En 1989, ACT UP Paris voit le jour et révolutionne la lutte contre le sida en France. Par ses modes d'action, ZAP, Die In, ACT UP Paris bouleverse les représentations publiques de l'épidémie, des personnes et des groupes sociaux touchés par le virus. Le VIH est abordé comme ce qu'il est, une épidémie politique. C'est alors l'hécatombe, des milliers de personnes meurent chaque jour du sida, souvent seules, dans l'indifférence générale. Chaque semaine, ACT UP Paris commence sa réunion par la lecture des noms des morts et mortes du sida, membres ou pas de l'association. L'urgence est de lutter, sans relâche, pour les droits sociaux et de santé, le logement, des traitements, pour une prévention audacieuse, contre les discriminations sérophobes, LGBTI-phobes, putophobes, racistes, sexistes, qui font le jeu de l'épidémie. Lutter pour le droit de vivre et aussi de mourir dignement, lutter pour ne pas crever, pour vivre, aimer, jouir, danser. Cette année, la permanence droits sociaux d'ACT UP Paris a 25 ans. 25 ans de vie, 25 ans de lutte, de combat avec et aux côtés des personnes vivant avec le VIH. Mise en place par et pour les malades, le pouvoir d'agir des personnes vivant avec le VIH autour de l'accès aux droits. Tout y est construit avec les séropos. Il ne s'agit pas de faire pour ou à la place d'eux, mais de faire avec. Information égale pouvoir. Les connaissances accumulées sont partagées, nos communautés s'en emparent à des fins d'empowerment et d'autodétermination. Plus de 200 personnes vivant avec le VIH participent à la permanence et subissent de plein fouet les effets néfastes des lois répressives qui favorisent la propagation du virus par des attaques ciblées sur nos communautés. Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH, usagers, usagères de drogue, travailleurs, travailleuses du sexe, TDS, personnes trans, personnes migrantes, femmes, prisonniers, prisonnières. Toutes ces personnes contribuent au plaidoyer mené en faveur de leurs droits. Ce sont leurs vécus, leurs témoignages et leur engagement qui confèrent à l'association son expertise. ACT UP Paris a toujours déploré le manque de volonté politique des pouvoirs publics pour mettre fin à l'épidémie. Aujourd'hui, c'est un constat bien pire que nous dressons. Séropote, a fortiori précaire, la France vous préfère morte. Cet ancien slogan d'ACT UP Paris est dramatiquement d'actualité. Les acquis sociaux obtenus par des décennies de lutte contre le sida sont constamment menacés, voire supprimés, notamment ces dernières années. En 2011, le décret Sarkozy ciblait spécifiquement les malades chroniques dont les personnes séropositives et réduisait l'attribution et le renouvellement des droits allocations adultes handicapés, AAH. Le 1er décembre 2019, Macron supprimait le complément de ressources, lésant ainsi plus de 10 000 personnes précaires ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% en incapacité de travailler. La loi Asile et Immigration porte en elle le fantasme de la droite et de l'extrême droite, des étrangers et étrangères délinquantes qu'il faut contrôler, surveiller, punir, enfermer et expulser. L'objectif étant de lutter contre l'immigration irrégulière dans une gestion des flux migratoires au niveau européen, avec notamment le renforcement de Frontex, le doublement des places en centre de rétention, la suppression de l'aide médicale d'État, AME, par l'aide médicale pour soins urgents, AMU, revenir sur l'accès effectif aux traitements et aux soins dans le pays d'origine, dans le cadre de la demande de régularisation pour raison médicale. La menace pèse sur l'arrêté du 5 janvier 2017 qui protège les personnes séropositives d'une expulsion du territoire. Toutes ces mesures sont autant d'entraves pour l'accès à la prévention et aux soins primaires. La loi Plein Emploi conditionne le versement du RSA à 15 heures de travail hebdomadaire obligatoire et cela s'étendra probablement aux travailleurs travailleuses handicapées. De plus, depuis le 17 août 2022, Pôle Emploi, bientôt France Travail, a accès à des données personnelles de santé, une violation du secret médical. Les populations cibles sont les bénéficiaires du RSA, de l'AAH et des seniors, une main-d'œuvre corvéable à merci. L'objectif étant de réduire les dépenses publiques et notamment l'aide sociale. La réforme des retraites, assénée à coups de 49.3 au mépris de la contestation populaire, impose de travailler plus longtemps. Nombreux et nombreuses sont les personnes vivant avec le VIH qui n'atteindront pas l'âge requis. La politique du tout zéro vise à faire disparaître les personnes, pas les injustices. Nos communautés sont criminalisées et les mouvements sociaux sont réprimés par la peur et la violence. Ces politiques délétères, austères, antisociales, répressives, sécuritaires vont de pair avec le désengagement financier de l'État sur les politiques publiques, sociales et de santé, ce qui impacte le travail des associations communautaires qui font face à des situations d'urgence sociale avec toujours de moins en moins de moyens. Ce 1er décembre, nous réaffirmerons que nous avons envie de vivre, que nous nous battrons sans relâche pour nos droits et que plus que jamais, cette lutte ne peut se faire sans nous. Nous exigeons la libération de toutes les personnes malades privées de liberté, l'AAH à taux plein pour tous les prisonnières, la revalorisation de tous les minima sociaux, la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, l'individualisation du RSA et son attribution à tous les jeunes de moins de 25 ans, le versement de la pension de réversion à tous les conjoints, conjointes, concubins, concubines, pacsés, survivantes, la fusion de l'AME et de la C2S, l'abrogation de la loi anti-squat Casbarian-Berger du 14 juin 2023 qui favorise les expulsions locatives, l'abrogation du décret Sarkozy du 16 août 2011 qui restreint l'accès à l'AAH, l'abrogation du décret du 17 août 2022 qui permet à Pôle emploi d'accéder à des données médicales des personnes handicapées demandeuses d'emploi, l'abrogation de toutes les lois votées dans un contexte d'état d'urgence notamment, la pénalisation des clients qui tuent les travailleuses du sexe, la loi du 7 mars 2016 qui a placé les demandes de séjour pour soins sous la tutelle du ministère de l'Intérieur à la place du ministère de la Santé, la loi du 28 février 2017 qui permet à la police de tuer dans le cas d'un refus d'obtempérer, la loi du 26 mai 2021 sur la sécurité globale, la loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et enfin, la loi séparatisme du 24 août 2021 qui pénalise les associations et usurpe le principe de laïcité à des fins racistes. On vient d'écouter Want Us Dead de Lynn Priest. Ils nous veulent morts, mortes. Et maintenant, on va discuter un peu de stratégie en termes de réduction des risques et de santé sexuelle, et notamment de moyens de prévention. Thank you. c'est quoi tes stratégies en termes de réduction des risques et tes moyens de prévention? Le dépistage, la capote, la discussion avec mes partenaires pour savoir où elles en sont au niveau santé sexuelle. Et je prends la PrEP de temps en temps quand je sais que je vais avoir des relations avec plusieurs partenaires ou que je vais dans un lieu de sexe collectif où j'ai pas toujours la possibilité de demander un peu où on en est de nos deux côtés, niveau santé sexuelle, dépistage, si on est séropos, qu'on prend son traitement, nanana, pour pouvoir ensuite adapter les moyens de prévention. Voilà, mais le gros truc, le dépistage, quoi, sur le VIH et du coup des autres IST. Quand j'ai commencé à faire du sexe avec des personnes ayant un pénis, j'ai commencé par toujours utiliser des capotes. En grande partie pour pas tomber enceinte, mais aussi parce que c'était ça qu'il fallait faire. Genre, la sexpositivité, ok, mais quand même j'avais un blocage dans ma tête, comme quoi ne pas utiliser des capotes, c'était mal. J'ai mis longtemps à admettre qu'en fait, des fois j'aime bien faire du sexe sans capote. Et du coup maintenant, je prends de la PrEP et de la projet. Je fais des tests tous les 3 mois et je m'autorise à laisser les capotes de côté de temps en temps. En revanche, l'autre jour, j'ai utilisé une digue dentaire sérieusement pour la première fois, et franchement, c'était pas pire. Alors moi, je suis né en 73, j'ai vécu mon adolescence et le début de ma vie de jeune adulte en pleine pandémie de VIH. À une époque où utiliser une capote me semblait être une évidence, quelque chose d'indispensable et plutôt rassurant, voire très rassurant. C'est un moyen de protection que j'ai pratiqué assidûment pendant presque 25 ans. À quelques écarts près, bien sûr, personne n'est parfait, mais c'était toujours très très anxiogène. Aujourd'hui, par contre, je suis sous PrEP. Et il est vrai que c'est une forme d'abus, je pense, parce que c'est devenu mon seul moyen de prévention, de protection. C'est loin d'être satisfaisant parce que cela ne protège que du VIH, ça ne protège pas des autres IST. J'en suis bien conscient, mais je me dis aussi qu'avant, je ne faisais des bilans sanguins que tous les ans au mieux. Maintenant, j'en fais tous les 3 mois. Ce qui permet quand même d'être alerté beaucoup plus tôt en cas de contamination aux autres IST, donc de prévenir les contaminations d'autres partenaires beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc c'est loin d'être satisfaisant, mais ça peut aussi avoir quand même un certain intérêt en soi. Vous êtes toujours en direct sur Pédale Scandale, l'émission PT de Radio Duo. Et du coup, on vient d'écouter des témoignages qui parlaient de stratégies en termes de prévention de santé sexuelle. Et du coup, je sais pas, vous avez envie de nous parler de vos moyens de prévention? Ben moi aussi, je suis sous PrEP. C'est sûr que c'est un grand soulagement de se savoir en grande partie protégé, même si c'est pas efficace à 100%, il faut quand même aussi le savoir, quoi. Mais j'utilise quand même toujours régulièrement la capote. Moi, ça me soulage aussi. Je me dis que deux précautions valent mieux qu'une, tu vois. Mais oui, et puis c'est vrai que d'être sous PrEP, c'est comme disait le dernier témoignage, il y a ce truc d'avoir une régularité dans les bilans de sanguins, il y a un vrai suivi médical. Enfin, moi, je le fais avec mon généraliste. Et ça se passe très bien, en fait. Du coup, je trouve qu'il y a aussi ce côté hyper rassurant de se dire bah, si je chope une autre saloperie, genre un chlamydia, une gonorrhée ou une syphilis, bah, je suis vite pris en charge. Et du coup, je transmets moins et je suis moins sujet à des complications liées à ces maladies, quoi. Donc, du coup, il y a le pour et le contre, je peux l'entendre. Mais en tout cas, pour moi, je suis globalement satisfait d'avoir mis en place cette double stratégie capote plus PrEP, quoi. Je trouve que c'est super, en fait. Mais, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je prends la PrEP aussi. Et pareil, du coup, je fais des dépistages tous les 3 mois et moi je trouve ça hyper rassurant en fait, surtout, enfin, je crois que ce qui me rassure encore plus que la PrEP, c'est ce suivi et ces dépistages réguliers, parce qu'on en parlera plus tard dans l'émission, mais il n'y a pas que le VIH, il y a plein d'autres IST auxquels, en tout cas quand on... des personnes comme moi qui avons plusieurs partenaires, des pratiques à risque, voilà, du coup, ben, le fait de me dépister tous les 3 mois, ça me rassure pour moi et pour les autres. On expliquera plus précisément aussi ce que c'est la PrEP pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais ça va venir. Moi, je ne prends pas la PrEP, je me pose la question à chaque fois que je fais un dépistage au Cégide, et en fait, en vrai, je ne baisse pas suffisamment et je pratique pas tellement la pénétration, donc en fait, bon, voilà. Je suis sous PrEP aussi, depuis pas très très longtemps, et je pense que c'est un truc qui me rassure vachement, justement, qui me permet, je crois, d'explorer des choses en m'enlevant une part d'angoisse et de peur. Et pareil, moi j'ai plutôt tendance à utiliser aussi la capote, mais parce que je crois que vraiment j'ai été élevé genre ceinture et bretelles. Et j'y réfléchis un peu des fois et je sais que c'est un truc qui se discute. Mais... ceinture et bretelles, oui. J'aime bien l'image avec ceinture et bretelles. Non, parce que ceinture et bretelles, moi je dis non. Mais oui, moi aussi. Mais PrEP et capote. Non, mais là, c'est santé sexuelle, c'est pas mode. Oui, moi je suis aussi sur la team PrEP comme une grosse partie de cette équipe, a priori. Est-ce que c'est devenu une norme ? Ça reste devenu une norme, on verra ça plus tard. Mais moi je suis sous PrEP à la demande, du coup pas tout le temps. Et puis il y a des moments où soit j'ai du sexe alors que je m'y attendais pas, soit je zappe de prendre la PrEP et du coup dans ces cas-là c'est plutôt en mode capote ou alors discussion avec les partenaires de savoir un peu c'est quand les derniers dépistages, un peu les partenaires qu'il y a eu et puis voilà, je trouve que quand même un des trucs moi je trouve qu'une des stratégies les plus intéressantes ça reste quand même la communication après suivant les pratiques, enfin moi je sais que j'ai une petite tendance à aller facilement sur Grindr dernièrement faire venir des personnes chez moi que je ne reverrai pas après, avec qui on communique très peu si ce n'est pour baiser et du coup on n'a pas forcément l'occasion de parler de ça, du coup à ce moment là la PrEP je trouve ça vraiment pratique, plus le dépistage tous les 3 mois et puis j'en profite au passage je fais mes bilans hormonaux pour ma transition et voilà, et je trouve que c'est un combo en tout cas moi qui me convient bien et puis en fait juste à réadapter toujours un petit peu en fonction des partenaires que j'ai et voilà, on peut enfin c'est pas une stratégie, une seule et même stratégie tout le temps, c'est un peu adapté en fonction des situations de comment, est-ce que c'est des partenaires réguliers, est-ce que je les connais bien ou pas, etc. Et des pratiques aussi fortes. En tout cas, je pense que comme dans les studios et dans Pédale Scandale, dans les communautés gays et PD, la PrEP, c'est devenu une norme. Je pense qu'on peut le dire comme ça. En tout cas, que beaucoup de personnes prennent la PrEP. Et on avait eu envie de poser la question à des camarades de qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact communautairement que la PrEP soit devenue une norme et aussi dans les pratiques. La PrEP, c'est un traitement préventif et ça veut dire prophylaxie pré-exposition. C'est des médicaments, des cachets qui permettent d'éviter d'être contaminé par le VIH. En fait, c'est une combinaison de 2 antirétroviraux qui vont bloquer le virus avant qu'il ne puisse s'installer dans les cellules. Moi, j'ai remarqué dans les entretiens que j'ai pu faire avec notamment des PD, mais aussi dans mes expériences personnelles, que la PrEP devient un outil pour accéder à la sexualité. Notamment de jeunes PD qui se voient souvent proposer des plans sans capote et que si elles ne prennent pas la PrEP pour se protéger et du coup refusent des rapports sans capote, le champ des possibles sexuels se referme et que du coup plusieurs d'entre eux m'ont déjà raconté voilà prendre la PrEP pour pouvoir accéder tout simplement à la sexualité parce que si sans PrEP et avec une volonté quand même de se protéger du VIH, ça devenait compliqué d'accéder à la sexualité via des apps comme Grindr ou des espaces de sexualité comme ça. La PrEP s'est énormément démocratisée, devenue la norme, non. De mon expérience, la PrEP est surtout prise par des personnes autour de moi ayant une vie sexuelle active et prenant grand soin de leur santé sexuelle. Aussi, la PrEP, ça a posé un enjeu un peu particulier au niveau de, du travail du sexe, où elle arrive en 2016 en France, la même année que la loi de pénalisation des clients du travail du sexe. Et on s'est rapidement aperçu qu'au lieu d'offrir un nouveau dispositif de prévention, cela devenait le seul moyen de se préserver, enfin de se protéger du VIH. Et ça, c'est notamment des retours faits par les assos communautaires TDS. Parce qu'en fait, les clients, notamment dans des contextes de travail du sexe PD, quoi, partent du principe que les TDS prennent la PrEP et imposent des rapports sans capote. Et du coup, moi, plusieurs personnes m'ont raconté aussi avoir des difficultés à taffer aujourd'hui sans capote et sans produit. Et donc, du coup, on voit à nouveau comment la PrEP, là, est venue réduire, en fait, le champ des possibles en termes de dispositifs de prévention, puisque c'est devenu, en fait, le seul possible pour pouvoir continuer à travailler. Peut-être à terme un clivage entre les usagers de la PrEP et les autres, qui utilisent des moyens de prévention plus habituels. La communauté intègre une multitude de pratiques, une façon de vivre sa sexualité, d'exprimer son orientation, peut la vivre au grand jour, préfère être plus discret. Du coup, l'accès à l'information et la prévention n'est pas forcément le même pour les personnes dans le milieu et hors milieu. Il est nécessaire de continuer de sensibiliser autour de nous, bien au-delà de notre seule communauté. Un autre enjeu de la PrEP que moi je trouve intéressant, c'est la PrEP aussi dans la question des relations entre PD6 et PD trans, où plusieurs PD trans masques m'ont déjà aussi rapporté avoir rencontré des difficultés à imposer la capote lors de rapports sexuels avec des PD6 qui eux pensaient avant tout au VIH et disaient que du coup avec la PrEP c'était bon, qu'il n'y avait pas ou peu besoin de se protéger davantage. Parce que notamment, ils n'avaient pas en tête le risque de grossesse. Et en plus de ça, la PrEP pour protéger d'une infection au VIH, lorsque le VIH passerait par les parois vaginales, ça doit se prendre 7 jours avant et 7 jours après le rapport, ce qui est beaucoup plus contraignant que pour les autres modes de transmission, donc les rapports oraux ou anaux. Et donc ici, du coup, la PrEP n'est pas forcément un outil associé à plus de liberté et de plaisir dans la sexualité, mais plus au fait de se prémunir d'une infection au VIH, dans le cas d'un rapport sexuel où il est difficile d'imposer le port de la capote. J'ai un peu parlé des limites qu'on peut trouver à cet outil-là ou des conséquences qu'on n'avait pas forcément anticipées. Ça reste un outil quand même hyper intéressant pour réduire l'épidémie du VIH et on le voit bien dans le dernier bulletin de suivi de l'épidémie du VIH publié par Santé publique France que les contaminations baissent, notamment liées à la PrEP, mais ça baisse en fait avant tout chez les hommes ayant des pratiques non hétérosexuelles qui sont nés en France. Mais pour les personnes à l'étranger, qu'elles aient été contaminées dans des rapports hétéros ou des rapports entre hommes et qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, en fait, on a une augmentation des découvertes de séropositivité. Et en fait, ces personnes-là sont aussi les personnes les plus éloignées du système de santé, sur lesquels aussi s'abat un certain nombre de mesures répressives et précarisantes, qui fait qu'en fait l'accès à la santé en général est compliqué et l'accès à la PrEP en fait l'est encore plus. Donc en fait on voit que chez ces groupes sociaux-là, les contaminations, ou du moins les découvertes de séropositivité ne baissent pas, aussi parce que la PrEP en fait ne leur est pas accessible. Du coup il y a encore du travail à faire et des nouveaux enjeux à réfléchir autour de cet outil-là. Voilà, j'espère que ces petits partages de recherche communautaire vous ont donné des petits éclairages sur tous ces outils qui nous entourent. Et voilà. Transfert trottinette. On vient d'écouter Transfert Trottinette de Bilal Hassani. Et merci au pote qui nous a fait découvrir ce morceau que moi je ne connaissais pas du tout. Et donc, du coup, dans le montage, le petit montage audio avant, ça, on a discuté de PrEP en tant que norme et qu'est-ce que ça impliquait dans les pratiques et tout ça. Et je ne sais pas si vous aviez un peu des choses à ajouter. Ben moi, je me posais la question de est-ce que ça change vos pratiques ou pas ? Ben, c'est une question personnelle dont on n'avait pas parlé hors antenne, donc vous avez le droit de ne pas répondre. Non, ça n'a pas changé mes pratiques, ça les a juste fluidifiées en fait, c'est plus pratique. Un petit peu de lubrifiant. Un petit peu de lubrifiant, voilà, sur la pensée en tout cas. Est-ce que ça change mes pratiques ? C'est une bonne question. Non, je pense que ça change pas spécialement mes pratiques. Non, je crois pas. Ok. Mmh. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que ça change les pratiques. Enfin, alors, je parle pour les autres, mais j'ai l'impression que ça change les pratiques des autres. Que du coup, ils se sentent plus à l'aise dans leur sexualité et du coup, peut-être plus débridés. J'ai l'impression. Enfin, mais c'est juste une impression. Mais je pourrais pas le dire comme ça, si c'est vrai ou pas. Bah, c'était plus ou moins le sous-entendu de ma question, mais en fait, c'est une vraie question, en fait. Et je me pose la question aussi, moi, si je me mets à prendre la PrEP, est-ce que ça me libère d'un... Enfin, ça va me libérer d'un souci, ça, c'est sûr, mais est-ce que ça va libérer mes pratiques ? Je ne sais pas. Alors, moi, moi aussi, je pense quand même que ça m'enlève du stress dans certaines pratiques, sûrement. Mais par contre, en dehors des pratiques sexuelles, quand même, moi, je voulais revenir sur ce que disait la personne pour les personnes, pour les mecs trans, en fait. Mm-hmm. Du coup, qu'en fait, on est obligé de prendre 7 jours avant, 7 jours après, ce qui, pour moi, n'est pas du tout possible. Du coup, ça veut dire que je prends la PrEP en continu. Mm-hmm. Du coup, par contre, dans ma vie, de prendre un médicament, c'est quand même un médicament, tous les jours de manière continue, ça change des trucs quand même dans la vie. Un truc qui est en plus qu'il faut que je prenne à peu près à l'heure fixe et tout ça, ça change des trucs plutôt dans ma vie que dans mes pratiques. Mm-hmm. Puis c'est un médicament lourd, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même... Du coup, ça implique aussi un suivi très régulier en termes de fonctionnement des reins. C'est pas rien, quoi. C'est quand même un médicament à prendre tous les jours, quoi. Moi, je voulais revenir juste sur ces trucs de pratique où moi, je me suis rendu compte que je pensais pas tant sur les pratiques que ça change quelque chose, mais que quand j'ai commencé à prendre la PrEP, ce que je racontais un peu tout à l'heure, c'est que c'était surtout pour les clients. Du coup, je continuais à utiliser la capote et que plutôt, effectivement, j'ai pas forcément tout le temps des pratiques pénétratives. Par contre, des jeux de sang ou quoi, effectivement, là, ça me rassure d'être sous PrEP, surtout pour les autres. Mais par contre, quand j'ai des pratiques pénétratives, c'est après des discussions qui ont lieu pendant le web cet été, les week-ends entre PD, où j'ai réalisé que, en fait, si je prends la PrEP, je peux me passer de capote, puisque j'ai aussi un suivi régulier. Et ça j'ai mis du temps à faire ce déclic-là. Et en fait, ça soulage quand même vraiment quelque chose dans les pratiques. Alors, ça n'empêche pas. Enfin, il y a quand même plein de choses que je ritualise dans mes pratiques pénétratives. Mais que du coup, à cet endroit-là, ça fait quelque chose de plus fluide. Et puis, ça amène à un autre plaisir aussi. Ça me permet aussi de pouvoir jouer plus facilement sur des trucs autour du sperme. On voit que j'osais peu faire, en fait, avant. Et quand même, à cet endroit-là, du coup, je pense que c'est pas que ça change énormément, mais en tout cas, ça emmène un petit truc un petit peu nouveau que je peux me permettre d'expérimenter, que je faisais pas avant. Moi, je voudrais aussi rajouter un truc qui me paraît quand même hyper important. C'est que là, nous, on est en train de parler on est des PD qui vivons en France. Mmh. On a accès à la PrEP parce que c'est remboursé. La PrEP, c'est hyper cher. Et en vrai, y a plein d'endroits dans le monde, et notamment tous les pays du Sud, en fait, où les personnes n'ont pas du tout accès à la PrEP. Voilà, du coup, moi je trouve c'est important d'en parler aussi comme un privilège en fait, d'avoir accès à ça. Et du coup, de pouvoir vivre nos sexualités en ayant moins peur d'attraper le VIH, et ben encore une fois, c'est un truc qui est très situé géographiquement. Oui, géographiquement et au niveau des papiers. Et même géographiquement, tu parlais de France, on est même en France métropolitaine. Mm-hmm. Oui. Que dans les dom-doms, c'est encore autre chose. L'accès à la PrEP, il est gratuit en Guyane, tout ça, machin. Mais après, il y a d'autres. Il faut avoir des papiers et l'accès à la sécurité sociale ou à l'AME pour pouvoir être remboursé de la PrEP, quoi. Et juste pour que ce soit bien clair, hein, ce traitement, il est accompagné d'un suivi très régulier, tous les 3 mois. Donc, il y a des dépistages réguliers de toutes les autres IST. Mmh. Et donc, un suivi aussi des potentiels effets secondaires. Ouais. Je voulais rajouter un truc, j'ai été hyper surpris de voir le peu de potes hétéros qui étaient au courant que ça existait, on en parlait tout à l'heure. Et je me rends compte qu'il y a un truc que je fais, je l'apprends donc tous les jours, à midi, pendant le repas, parce que j'ai des horaires complètement décalés, je pourrais pas le prendre vraiment bien tous les matins, tous les soirs. Et au début j'avais un peu une espèce de gêne à l'apprendre devant les gens, et des fois j'ai eu des questions, genre des potes qui osaient me dire « mais ça va, tu prends un traitement, machin ?» Et au début je savais pas trop... Mm-hmm. Et en fait vu que je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui savent pas, j'ai l'impression que c'est le genre de moment où je me dis « bah voilà, c'est le moment où je vais en parler et où ça... » Ça fait tourner l'info, juste petit geste du quotidien, mais ça a ouvert plein de fois des, pas forcément des longues discussions, mais juste, bah oui, ça existe, moi je le prends pour telle raison. Et, mm-hmm. et je suis surpris qu'aussi peu de monde qui sache que juste l'existence du truc. Mais et d'ailleurs, il n'y a pas que des hétéros oui, qui n'ont pas connaissance de la PrEP. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'HSH qui savent pas, enfin, qui sont placards et qui, du coup, n'ont pas accès. Au suivi et du coup qui savent pas que ça existe, quoi. Oui, qui n'ont pas accès à l'information, tout simplement. Enfin, il y a plein de mois d'assécheresse qui n'en ont jamais entendu parler, ce qui est quand même étonnant. Enfin, moi je suis étonné chaque fois qu'ils me disent non, j'ai pas fait de dépistage depuis 5 ans, je sais pas ce que c'est la PrEP. T'es là, mais faites gaffe les gars. Oui, moi je me suis retrouvé plusieurs fois au sauna, notamment avec des HSH, après qu'on ait baisé, à faire un petit peu de pédagogie autour de la PrEP. Mais encore une fois, pour moi, c'est aussi ces enjeux d'avoir accès à une communauté ou pas, et d'être au placard ou pas, mais pas que, d'être isolé en campagne ou pas. Enfin, il y a vraiment plein de facteurs, de connaître les bonnes personnes, c'est tous les enjeux communautaires qu'on essaye de pallier, mais qu'en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de manquements. Et pour continuer sur toutes ces choses encore trop peu méconnues, on avait aussi envie de parler du TPE, du traitement post-exposition, du coup, qui est le traitement d'urgence qui se prend dans certains Cégides et à l'hôpital après avoir eu des pratiques à risque. Et aussi, on avait envie de parler un peu de charge virale indétectable et tout ça. Du coup, on écoute un petit témoignage. Pour le TPE, comme pour la PrEP, il y a des personnes qui baignent dans l'information et qui ont accès facilement, et les personnes qui sont bien plus dans le flou. Pour les charges virales indétectables, malheureusement non. La sérophobie continue ses ravages et l'on voit encore trop de personnes avoir le réflexe de définir les gens en clean et non clean. Les avancées dans la sensibilisation en ce domaine est un combat constant, et parfois on se heurte à une profonde incompréhension, voire de la sérophobie larvée. Alors c'était un petit envoi de sœur Rita Lupa, qui est une des sœurs de la perpétuelle indulgence, ordre international de folles radicales, qui œuvre pour la santé communautaire et pour notre plus grand plaisir et notre plus grand soin. Je vous dis quand même son nom en entier parce que ça vaut son pesant d'or. Donc c'est sœur Rita Lupa, dite la gardienne des cours de récré, des boucs et des chevrettes Garrigate, dite la surveillante à la trique raide, dite la cocotte pondeuse de discours. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sœur Rita, je vous demande vraiment pardon. Pardonnez-moi ma sœur, parce que je vous ai trop mis la pression sur les 3 minutes. Et du coup, ça sent, vous êtes pressée, je vous ai mis la pression et vraiment, je m'en excuse. Pardonnez-moi mes péchés. Est-ce que vous aviez des trucs, envie de rajouter des trucs sur... Oui, moi, ça me donne envie de réagir sur une expérience Grindr que je fais. Par exemple, sur ces histoires méconnues de charge virale indétectable, notamment grâce à un traitement qu'on appelle TASP. Moi, sur ma bio Grinder, la dernière phrase, c'est que je sois séronégative sous PrEP ou séropositive sous TASP. Ça ne vous regarde pas, fuck sérophobie ou stop sérophobie, je ne sais plus comment je l'ai noté. Et en fait, du coup, c'est un petit message pour dire, enfin, un peu de transmission, parce que sur Grindr, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont. Alors, il y a des PD, mais il y a aussi beaucoup d'hétéros qui se mettent dessus pour pécho des meufs trans, du coup, puisque c'est un peu mon profil, complètement mon profil. Voilà, c'est aussi pour faire un peu de transmission. Et en fait, et pour le coup, pas que de la part de ces hétéros-là, mais aussi de la part de jeunes PD, je reçois des messages en mode « Ah, mais en fait, t'es séropo et que je sens toujours ce truc de sérophobie qui est très fort et que moi, me touche pas dans mon quotidien et que c'est à cet endroit-là que je le sens vraiment... encore très fort parce que juste une énorme méconnaissance. Et oui, effectivement, que je sois séronégative sous PrEP ou séropositive sous TASP, et ben le risque de contamination, il est inexistant. Et du coup, ça ne devrait pas regarder mes partenaires, sauf si ça devient des personnes intimes de ma vie avec qui j'ai envie de partager cette information ou pas. Mais du coup, est-ce que tu as envie d'expliquer pour les auditeurs qui ne serait pas au courant ce que ça veut dire charge virale indétectable? Oh là là. Eh bien, disons qu'une personne séropositive qui suit son traitement régulier, qui est bien suivie en termes de santé, peut voir sa charge virale baisser, devenir complètement indétectable. Et une fois que cette charge virale est indétectable, en fait, la personne ne peut pas transmettre le VIH. C'est pour ça que I égale I, indétectable, égale intransmissible. Merci. Super. Ou U égale U, suivant les langues. Mais il y a un truc que je trouve presque paradoxal dans ces histoires aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent avoir plus peur d'une personne du coup séropositive, mais qui prend un traitement du coup qui empêche de transmettre. Et en même temps, à côté, avoir des pratiques à risque avec des inconnus où on n'a aucune idée du statut sérologique. C'est étrange. Il y a vraiment un truc juste le mot, de dire la personne est séropositive, ça change quelque chose dans le cerveau, alors que ça ne dit rien de la réalité des risques en fonction de la personne. Quoi. Mais le stigmate, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Mais le stigmate, il est encore très, très fort. Et ça fait partie des discussions que j'ai pu avoir, notamment la semaine dernière avec une copine où on se retrouve à beaucoup baiser avec des hétéros du fait d'être trans. Et d'être dès qu'on les questionne un tout petit peu, en fait, ça fait peur. Enfin, moi, j'ai plus peur de baiser avec des hétéros qui n'ont pas fait de dépistage depuis un an et demi, deux ans, qui baisent avec plein de personnes, des fois beaucoup plus, qui ne sont pas au courant de tout ça. Et bon, peut-être que ça entretient une hétérophobie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression communautairement que ça peut... moi, j'ai vraiment plus peur d'une personne hétéro. Et effectivement, une personne séropositive, c'est hyper rassurant. Mais c'est des personnes qui ne sont pas informées ou qui ne se sentent pas concernées, j'ai envie de dire. Ça leur paraît loin parce qu'en fait, ils ne se définissent pas du tout comme PD, gay... LGBTIQ, quoi qu'est-ce, et du coup, ça leur paraît vraiment très éloigné, je pense, de leurs préoccupations. Et pareil, je suis désolé, je rebondis beaucoup, mais ça me fait penser au témoignage d'une copine trans, travailleuse du sexe, séropo, qui, sur ses annonces, a fini par dire qu'elle était sous PrEP, parce qu'en fait, dire séropo sous TASP, ça fonctionne pas du tout et t'as pas de client, quoi. Un petit moment lecture. Ah oui, on avait envie de vous lire, du coup par rapport à la thématique du jour, un extrait du roman 28 jours de notre ami et camarade El Bigora. Je vous lis ça. Jour 1. Hôpital, consultation, trithérapie. Première pensée au réveil. J'appelle le centre de dépistage de la rue du Figuier. La femme au téléphone me dit « Urgence !» Je descends à la station Ledru-Rollin pour me rendre à l'hôpital Saint-Antoine. Une honte insidieuse, mal définie, s'installe quelque part dans mon centre. J'ai mal agi et je vais devoir le dire au monde, à l'institution, aux médecins, à l'hôpital, à la sécurité sociale, à toute la société. « Quoi ? Tu te fais baiser ?» Première humiliation. « Quoi, tu te fais baiser ? Gros PD. Et en plus, tu ne mets pas de capote. C'est quoi ton problème ? Tu veux choper le DAS ? Tu veux encore plus faire chier ? Maintenant que vous avez le mariage, vous les tapettes, les capotes, c'est encore de trop ? Mon esprit se replie. Je perds ma confiance. Je ne vois plus mon acte de la même manière alors qu'il prend une tonalité politique. Je passe le portail imposant et baisse la tête d'instinct. État d'urgence, ouvrir son sac. Alerte attentat, et moi qui pense qu'à baiser ? Aidez-moi, j'ai peut-être le sida, peut-être contaminé par la maladie du siècle. C'est la queue aux urgences. J'attends derrière la ligne jaune qui assure la confidentialité. Elle parle tellement fort, l'infirmière à l'accueil, on peut tout entendre, mais trop occupé par ses propres mots, personne n'écoute. On prend soin de chacun dans l'ordre des priorités, pas dans l'ordre d'arrivée. Pas comme au Franprix, c'est l'hôpital ici. Je ne me suis pas lavé depuis Julien et sa bite sans capote dans mon cul. Ni depuis le client que je me suis tapé quelques heures avant de le retrouver. Je me sens sale et confortable, une couche de légitimité. Il n'a rien remarqué, Julien, des fluides qui avaient couvert mon corps. Le vieux qui m'avait léché des oreilles aux orteils, bouffé le cul, frénétique, il n'avait pas osé tendre sa petite bite tordue vers ma bouche. Un ambulancier, beau et brun, me fait des sourires, veste en polaire verte. Il est fier de son métier, de se dédier à d'autres. Il pourrait venir de Bayonne. Il sent la feria. Je lui souris, un peu pute, un peu soumis. Il veut pas que je le suce pour le remercier au nom de l'humanité ? Le TPE. Alors c'est pas ici, c'est le pavillon Maillère, c'est pas loin. Il y a une rotonde, vous verrez, on m'indique à l'accueil. Dans les allées grises, je me demande ce que la femme de l'accueil a pensé en me voyant. Je voulais lui dire, on m'a violé, on a abusé de moi, la capote a craqué. Voilà ce que je vais dire, c'est la faute à personne. Il avait une très grosse bite. On avait tout bien fait, safe sex, protégé, crack. Oui, voilà, c'est ça mon histoire. Maladie tropicale, je remonte le couloir couleur riolet. Ça rebondit dans ma tête. Tropicale, exotique, si peu. Je trouve un petit bureau, il est midi. Je répète, prise de risque, TPE, oui, il y a 24 heures. L'infirmière me dit d'attendre comme si on avait le temps, comme si peut-être le virus ne se levait pas déjà dans mes cellules. J'attends sur une de ces chaises en plastique qui collent à la peau lorsqu'il fait chaud. Je me sens oublié, alors je me retourne sans cesse, comme si le grincement de mon corps contre le dossier pouvait lui rappeler mon existence. « Monsieur ? Oui. Vous avez votre carte vitale ? Oui. Revenez à 14h. Un médecin vous recevra. » Un jeune mec malingre s'arrête. « C'est vous ?» il me dit. Il me sourit. On dirait qu'il a la moitié de mon âge. « Racontez-moi, » le docteur me demande, durci par l'autorité de son bureau. La capote a craqué. « Vous avez déjà pris un traitement post-exposition ? Non, jamais. Dans quelle position étiez-vous ? Je me faisais sodomiser. J'hésite à donner des détails. En levrette ? Sur le dos ? La taille de sa bite ? Il vous a pénétré longtemps ? A-t-il joué en vous ? Non, pas vraiment. Un peu. Je ne suis pas très sûr. Enfin, oui, je crois. Le connaissiez-vous ? Connaissiez-vous sa sérologie ? Je sais que j'insiste sur le statut, mais sachant la violence du traitement, nous faisons tout pour éviter de le prescrire. Je pense qu'il ne savait pas. C'est surtout impossible de lui faire confiance. Vous savez si sa vie sexuelle est... Ouais, c'est un super queutard. Je vous dis, il ne faut pas lui faire confiance. Très bien, je comprends. Maintenant, nous allons regarder sur le tableau pour évaluer le risque de contamination. Il me montre un tableau au mur, des cases en couleur, du bleu au rouge, avec son petit index d'adolescent. Moi, double adolescent, je suis dans la case la plus critique, la rouge, sodomie passive. Il ne hausse pas le ton, il ne joue pas l'exagération. La dramaturgie ? Non, il est déjà professionnel, il sera bientôt docteur. Je l'interromps, je m'intéresse à lui, j'ai envie qu'il m'aime un peu, qu'il soit triste si je tombe malade, qu'il puisse dire « satanée maladie, il était drôle celui-là ». Je le questionne sur sa vie sexuelle, marre d'être l'objet, on partage un peu les secrets. Il doit en entendre, je me retiens de lui dire. Je suis touché. Il n'a pas l'air de me mépriser, mais c'est son rôle. Après tout, il me prouve son statut social. Lui, ce serait la médecine avant tout, surtout pas la morale. Stribild, il conclut. Je connais pas le Stribild. Moi, je veux le Truvada, les pilules bleues, fameuses comme Hollywood. Vous êtes en zone rouge, grand danger, trithérapie préventive de choc pour les durs, il me dit. Je diverge et demande si la PrEP va être accessible à tous. Il me répond seulement « pour les populations à risque ». 500 € le mois de traitement, 6 000 € par an, ça fait beaucoup de porc au gingembre. Si on commence à donner la pilule bleue aux hétéros qui n'aiment pas le latex, on ne va pas s'en sortir. Il me serre la main, il me sourit encore. J'ai mon ordonnance à la main, un peu plus fière que d'habitude, et je remonte l'asphalte encore tiède de ce soleil inhabituel vers la pharmacie. J'attends mon tour dans la pièce réduite en rez-de-chaussée. Entrer dans un box, c'est la fin du circuit. Elle est aimable, la pharmacienne. C'est la première fois, elle me demande. J'ai envie de répondre. Quoi ? Qu'on m'a joui dans le cul ? Elle ne me donne que 7 pilules, moins celles que je dois prendre maintenant avec la boisson protéinée, la même qu'il donne aux malades qui maigrissent trop. Elle est attentive à mon absorption. Je lui apprends l'épisode porc au gingembre. Buvez tout, elle insiste, même si c'est lourd dans votre estomac. Je négocie. Je mens un départ dans le sud pour obtenir tout mon traitement d'un coup. Elle hésite, mais me donne la boîte en entier. J'aime bien la couleur de la pilule, vert pâle, c'est assez chic. Stribild, c'est écrit en gros sur la boîte en plastique. Elvitegravir, pardon. Cobicistate, antricitabine, tenofovir, disoproxil, 30 comprimés pelliculés en petit. C'est le jour 1. Ouais, du coup, c'est des extraits du jour 1 du roman 28 jours de El Bigora. Et est-ce que, je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des trucs sur le TPE. Peut-être dire qu'il faut le prendre le plus rapidement possible pour que ce soit efficace. Et du coup, bah ouais, après des rapports à risque, vraiment pas traîner à aller aux urgences. À Saint-Étienne, par exemple, je crois que c'est que les urgences CJ ne fournissent pas le TPE, je crois. Du coup, les urgences, quoi. Apprendre le plus rapidement possible les 48 heures max au plus tard. Pour continuer, on avait envie de parler aussi des autres IST, parce qu'il y en a vraiment certaines qui se développent de manière assez spectaculaire chez les PD, mais pas que, aussi chez les hétérosexuels. Et du coup, parler un peu de quelles se développent et de l'importance des dépistages. On écoute un petit montage. À ma connaissance, il y a eu une grosse augmentation de la gonorrhée, chlamydia, syphilis, papillomavirus, surtout chez les 16-25. En tant qu'éducateur, ça me désole pas mal, mais ça me confond dans la volonté de renforcer la prévention sur ce public dans ma pratique. Le développement vient peut-être du fait que plus de gens font des dépistages, ce qui me rassure en un sens. Après, les prises de risque peuvent venir d'une méconnaissance des modes de transmission et des IST en tant que tels. Les facteurs sont multiples et peuvent influencer les contaminations différemment en fonction de chaque personne, d'où la nécessité de continuer la prévention. Le gros truc, le dépistage, quoi, sur le VIH et du coup des autres IST. Et du coup, j'en profite pour faire un petit point santé sexuelle sur le dépistage, où c'est important de demander à son médecin pour avoir, quand il nous fait l'ordonnance, un dépistage sur les trois zones, c'est-à-dire notamment avec un prélèvement au niveau des amygdales, un prélèvement au niveau anal et un prélèvement au niveau de l'urine et des muqueuses vaginale si concerné, parce que ça permet de détecter les chlamydia et les gonorrhées, ce qui ne peut pas facilement être détecté dans les prises de sang, et qui sont des IST bactériennes qu'on retrouve quand même beaucoup, notamment dans les milieux PD. Voilà, fin des petits points santé sexuelle. Un des facteurs possibles, pas forcément le facteur principal. En général, les usagers de PrEP sont des personnes qui font particulièrement attention à leur santé sexuelle et celle de leur partenaire, dépistées de manière régulière et qui sont bien informées. Il faut éviter de cibler une partie de la communauté pour une situation qui est tellement plus complexe et aux causes multiples. Another shade anymore. Toujours en direct sur Radio Duo 89.5 dans l'émission Pédale Scandale. On vient d'écouter Not a Shame de Billy Porter. Et pour revenir sur la dernière intervention de Sœur Rita dans le montage qu'on trouve à l'écoute n'était pas très clair, c'était pour répondre un peu à un des mythes du moment qui voudrait nous faire croire que si les IST augmentent de manière aussi vertigineuse, ce serait plus surtout à cause des PD qui prennent la PrEP et n'utilisent plus de capote. Et ben nous, on n'est pas trop d'accord avec ça, même pas du tout, parce que comme je pense on l'a dit depuis le début de l'émission, et ben en fait les personnes qui prennent la PrEP sont aussi celles qui se dépistent le plus et qui ont des suivis le plus réguliers. Et du coup, ben non, enfin pour nous c'est pas les personnes qui à cause des personnes qui prennent la PrEP que les IST augmentent. C'est bien parce qu'il y a toujours pas assez de prévention et que les personnes se dépistent toujours pas assez. Enfin, oui. Voilà. Et que aussi, ben, dire ça, c'est encore une manière de stigmatiser les PD. Et du coup, pour terminer cette émission, eh ben, on avait envie de parler un peu de cette stigmatisation de notre communauté, de nos sexualités, qui continue encore aujourd'hui. Et pour ça, on voulait prendre l'exemple de la variole du singe et de ce que ça a révélé encore. C'était quoi ? C'était l'année dernière, il y a 2 ans. L'été dernier, oui, c'est ça. Et de, aussi comment c'est encore une fois les assos de santé communautaire qui ont pris les choses vraiment en charge. Du coup, on écoute un dernier petit montage. Oui, et juste avant d'écouter ce petit montage, je voulais rebondir pour dire qu'on va essayer autant que possible, puisqu'on parlait de prévention sur toutes les IST, de mettre sur le site de Radio Audio sur l'émission Pédale Scandale un tableau qui nous vient de l'association communautaire FRIS à Lyon, qui recense bon nombre d'IST, de comment on peut être contaminé, de où est-ce qu'on peut se faire suivre pour ou les soigner ou être accompagné là-dessus, comment on se sent protégé. Voilà, on essaye de faire ça. Et puis voilà, en attendant, on s'écoute ce petit témoignage autour de la variole du singe et de la stigmatisation. Est-ce que... On a une vie sexuelle hors norme, et donc dangereuse, remplie de maladies, et que nous transmettons au gré d'une vie dépravée. Bref, comme pour le VIH, qu'on est touché, car hors d'une vie sexuelle dite normale. L'ensemble du discours est haineux, culpabilisant, et manque total de considération par les médias, les politiques et les institutions. Ça m'a servi de rappel que lorsqu'il y a besoin d'un bouc émissaire, notre communauté courait toujours le risque de se retrouver avec une cible sur la tête. La lutte n'est toujours pas terminée. Je suis assez fier de la manière dont les associations communautaires ont su faire bloc face à la variole et à leur capacité à faire une prévention exceptionnelle au sein de la communauté. Clairement, elles ont montré que les process de prévention et de sensibilisation qui ont été mis en place pour les IST étaient toujours aussi efficaces malgré des moyens financiers faibles. Et surtout, je trouve que la levée de bouclier face à l'assimilation à la communauté et la variole par les médias était rapide, bien menée et vitale. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses sur... Par rapport à la variole du singe, moi ça me dit simplement qu'effectivement les pouvoirs publics ne faisaient pas grand-chose ou n'étaient pas très réactifs, et que c'est encore une fois la communauté ou les communautés avec ce souci en fait qu'on... Enfin, qui, j'ai l'impression, fait partie d'une culture qu'on a ancrée en nous, ce souci de la santé communautaire. Et du coup, c'est vrai que c'est les associations et les Cégides, quelques Cégides, qui ont rendu la vaccination possible pour la variole du singe, par exemple. Tout à fait. Moi, ouais, ça me donne un petit peu envie de réagir qu'on a cette stigmatisation sur le dos, mais du coup, oui, nous, pervers, perverses, déviants, déviantes, on fait vraiment un taf... énorme de transmission d'informations et uniquement du ST, mais beaucoup d'informations et communautairement, mais aussi chez les hétéros, comme on a plusieurs fois parlé dans l'émission, qu'on est toujours un peu halluciné de voir l'absence de connaissances autour des IST qu'il peut y avoir chez les hétéros et qu'en fait, on est quand même bien, bien utile à ce niveau-là et que ça ne correspond vraiment pas à cette stigmatisation, bien au contraire. Moi, je voulais dire un petit truc, j'ai discuté ce midi avec un pote, pour le coup pas du tout hétéro, de ces questions-là, parce que je lui parlais de l'émission, et lui il me disait que, enfin il s'est rendu compte en discutant avec moi, enfin en discutant il s'est rendu compte qu'on n'avait pas le même rapport à toutes ces questions-là de ces infections sexuellement transmissibles, et que lui voyait ça d'un point de vue hyper égoïste, enfin c'est lui qui l'a dit en discutant, qu'il disait, mais c'est, en gros que lui voyait que c'était sa santé à lui, et qu'il avait sa manière de le voir, ses peurs à lui, c'est tout ça, et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un truc, un enjeu aussi de justement de communauté dans le sens hyper positif du terme, de dire que le soin qu'on apporte à notre santé, enfin les moyens de protection qu'on met en place, etc., c'est aussi pour se protéger les uns les autres. Ouais, moi je voudrais rajouter un truc aussi que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que après avoir discuté avec une amie trans qui bosse dans la santé communautaire et en lisant les chiffres là de données par Santé publique France au début décembre, là, elle était très inquiète du nombre d'augmentations de contaminations par le VIH et par les autres IST pour les personnes trans. C'est pas, on sait pourquoi, parce que l'accès aux soins il est compliqué, la discrimination elle existe beaucoup dans le monde médical et c'est compliqué pour nous les personnes trans de soigner encore aujourd'hui. Et du coup le message un peu à passer, c'est rapprochez-vous des assos de santé communautaire, surtout si vous êtes des personnes trans isolées et que c'est compliqué pour vous d'aller dans les Cégides, d'aller voir vos médecins généralistes et tout ça. En fait, rapprochez-vous des assos de santé communautaire parce qu'elles peuvent vous aider et notamment vous aider à avoir accès à la PrEP et à dépistage et tout ça. Voilà. Et puis, un dernier truc pour terminer, parce que quand même aussi les personnes qui sont fort contaminés encore par le VIH aujourd'hui, c'est les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et on voulait rappeler que le 17 décembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et que dans ce cadre, on demande toujours et encore l'abrogation de la loi de 2016 et la pénalisation des clients. Et voilà, c'est encore important de se battre pour ça, parce que ça nous précarise et que ça met en danger, et notamment les TDS sans papier, les plus précaires et tout ça. C'est toujours la même histoire. Et là-dessus, moi j'ai envie de dire un petit merci, notamment à des on parlait d'un camarade qui aurait dû venir, qui n'a pas pu venir, mais un grand merci aux associations de santé communautaire qui font énormément de taf, qui font des maraudes et qui essayent au maximum de travailler par et pour les personnes concernées pour la santé communautaire. Du coup, un grand merci à ces associations. Et n'hésitez pas à vous tourner vers elles, du coup, les AIDS, les NIPS ou d'autres, en cas de questions, de besoin de matériel, de quoi que ce soit. Ouais, je sais plus pour être, mais en tout cas, les NIPS, c'est des permanences le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Le local, c'est rue d'Arcole. Je ne me rappelle plus du numéro, mais en tout cas... 12 rue d'Arcole. Voilà, et AIDS, c'est le samedi après-midi, il me semble. Et AIDS, c'est le samedi après-midi, mais pas tous les samedis, parce que problème de militants, militantes, on recrute. Et voilà, du coup, il ne faut pas hésiter à appeler AIDS à Lyon, qui est, parce que c'est l'antenne de Lyon qui vient à Saint-Etienne, pour savoir quand est-ce qu'il y a les permanences à Saint-Etienne. Mais quand elles ont lieu, c'est le samedi après-midi. Et aussi, il y a des maraudes qui sont faites dans la Loire, de manière un peu générale, chez les TDS qui bossent camion et dans les appartements, et il va y avoir une permanence au Cégide, je crois, jeudi prochain de AIDS, et il me semble que la prochaine permanence à Fourneyron c'est le 3 janvier. Voilà. Et vous pouvez toujours aussi aller aux permanences de la Grande Bulletande le premier lundi du mois, du coup le premier lundi du mois. En janvier, ce ne sera pas le premier lundi du mois, parce que c'est le premier, justement. Ah oui. Oui, sinon c'est le premier lundi du mois, mais en janvier, ce sera le deuxième, du coup. Ce sera le 8. Ouais, permanence, du coup, pour les personnes LGBTQIA+, en questionnement. Voilà, on vous laisse avec un morceau de Liz qui s'appelle La Putaria. À bientôt les pédales. Bonne à soirée bientôt. Tout le monde. Aïe. Baby Liz. Tomasa del Real, Neo Perreo. Oh, alerta de perreo. Se juntaron las más putas de Chile a perrear. Por el money money. No, bro. I gonna buy my new ass. With the money. tú sabes, esto no es una competencia, puta. Aquí todas venimos a hacer dinero. ¡Muah!